Salut, c'est Céluge du collectif Céluge et Léon avec Choka. Retrouvez-moi dans Bulle de Confidence avec l'IA sur Radio Gamozo. Jules, comment ça va? Bah écoute, ça va. Et toi? Eh ben ça va bien, ça va bien. Alors j'en parlais à nos auditeurs tout à l'heure, ça y est, votre EP Multicolore 2 est officiellement sorti le 24 avril, écoutable partout et notamment ici sur Gamozo, car ça y est, hein, on a lancé notre toute nouvelle playlist. Alors je dis votre, car tu travailles toujours avec Victor alias Léon, dont vous retrouverez d'ailleurs l'interview un petit peu plus tard sur Gamozo, et Choka, avec qui la collaboration est bien sûr un petit peu plus récente. Ouais. Choka, on l'a découvert sur Internet il y a été 2018. Il commençait à travailler un peu à distance sur des morceaux sur lesquels il pourrait nous aider. Et puis, depuis début 2019, il est sur scène avec nous. Donc voilà, on enregistre ensemble et on est sur scène ensemble depuis début 2019. Alors, il vous accompagne sur scène, tu le dis, et il met également en musique vos textes? Pas tout. Il a, sur l'EP, là, il a composé entièrement vert et orange. Il a travaillé sur bleu aussi, mais sinon, la base de bleu, jaune, rouge et indigo, c'est K, un beatmaker et un rappeur spinalien avec qui on a travaillé aussi. Alors, 6 titres d'enregistrés pour ce nouvel EP Multicolore 2, prolongement donc d'un premier volet qui était sorti en mai 2019 et qui doit aboutir à ce que j'ai lu, à une mixtape de 14 titres. Bah, c'était l'idée du départ, en fait, d'avoir vraiment plus d'une dizaine de couleurs. Mmh. Et vu que on avance à notre rythme, on a essayé de sortir petit à petit des échantillons avant le produit final, quoi. Alors dans cette EP, tu nous le dis, hein, chaque morceau porte le nom d'une couleur. Alors j'imagine que tout le monde te le demande, mais je vais te le demander quand même. Pourquoi et qu'est-ce que ça représente, toutes ces couleurs? Mais en fait, on trouvait l'idée cool au départ. C'est juste une idée. Ouais. C'est Léon qui a eu l'idée au départ. Et si on faisait des morceaux différents? Alors au début, c'était pas les. Enfin, on n'avait pas eu l'idée tout de suite d'en faire une mixtape complète, mais et si on sortait quelques morceaux qui ont le nom d'une couleur, qui pourraient évoquer des émotions, des sensations proches de certaines couleurs, quoi. Ah, le rouge qui est un peu agressif, ou le bleu qui est un peu aérien, enfin bref. Oui. Et du coup, ça a fait son chemin et on a travaillé en ce sens, quoi. Histoire de préciser un peu la démarche. Ok, donc vous êtes tous les deux à écrire vos textes, toi et Victor. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez chacun écrit une couleur? Est-ce que dans certains morceaux, je pense à bleu, on vous entend ensemble? Tous les morceaux sont faits ensemble ou est-ce qu'il y a des morceaux où vous êtes seul? Tu veux tout ce qui est dit, tout ce qui est rappé, chanté, chacun, ça a été écrit par celui qui... Ouais. Qui est enregistré, mais tout est réfléchi un peu ensemble, quoi. On bien est un peu chacun de notre côté, mais on met tout en commun. Ok, j'ai bien compris. Est-ce que moi, j'affectionne particulièrement bleu, je sais pas pourquoi, voilà. Ouais. Elle met dans un certain mood, mais vraiment tous les sons sont super, voilà, en toute objectivité. Est-ce qu'il y en a un toi particulièrement que tu préfères, même si j'imagine que ça doit être très difficile de choisir. Ouais, c'est compliqué parce que effectivement, elles amènent toutes dans un mood un peu différent, quoi. Et en fait, je sais pas si bleu est ma préférée, mais en fait, je suis super content parce que c'est vraiment un morceau conceptuel parce que il fait 9 minutes et quelques. Et ouais. Il a un peu une structure complètement différente de ce qui se fait d'habitude. Et on a eu en même temps, voilà, puis t'es un exemple parmi d'autres. On a eu pas mal de retours positifs en fait sur bleu, alors qu'on pensait que ça allait être un morceau un peu pas trop accessible, quoi, donc pas forcément apprécié autant que les autres. Ouais. Et finalement, il ressort vachement, donc on est super content qu'un morceau comme ça, en fait, plaise. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des collaborations sur cette EP avec d'autres artistes, notamment, je pense à Mehdi, qui est le chanteur, entre autres, des Mauvaises Graines, mais qui sort aussi des sons solo, dernièrement. Ouais, Mehdi, alors c'est... ça fait un petit moment qu'on a envie de travailler ensemble et puis vu qu'on a l'idée de ce morceau jaune ensoleillé et oui. Depuis un moment, on trouvait que ça collait vachement bien et voilà, on se connaît bien avec Mehdi parce qu'on a fait pas mal de concerts ensemble en commun. Oui. Donc ça s'est fait carrément naturellement. Enfin, il était à fond tout de suite, il était chaud tout de suite. Donc voilà, et puis j'en profite. Enfin voilà, faut faire sa pub aussi parce que ce qu'il fait avec Mauvaises Graines et puis en solo, c'est trop chaud. Donc voilà, faut en profiter. Bah oui, t'as bien raison. On encourage bien sûr tous nos talents locaux. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, est-ce qu'il y a eu encore d'autres collaborations? Ouais, sur Indigo, on a voulu faire un morceau très rap. Et donc, on a invité plein de rappeurs différents. Ouais. Pareil, des rappeurs qu'on a rencontrés en concert ou... Drex, ouais, notamment en fait partie. Drex, ouais, Drex, qui fait partie du collectif MC Connexion. Ouais. Basé sur Miremont, enfin, dans les Hauts-de-Vosges. Mais oui. Que tu dois bien connaître. Mais qu'on retrouvera très prochainement sur nos ondes avec la Big Antenne, Big V, etc. Voilà, tous les amis. D'autres? Ouais, Nomis, c'est un rappeur du nord de la France que j'ai rencontré, enfin qu'on a rencontré en fait via Internet. Okay. On avait fait un concours en commun et voilà, on a bien accroché, et puis on le trouve super fort, donc il a accepté de poser et il a accepté de poser avec nous. Et puis les deux derniers, c'est Léodas et Théma. Léodas et Théma qui bossent aussi avec Choka. D'accord. Ils font des concerts ensemble, voilà, ils sont sur Nancy. C'est génial de voir que voilà, au fur et à mesure du temps, bah voilà, il y a des contacts qui se font, des affinités à travers toutes les choses que vous faites. Parce que voilà, on n'en parle pas encore, mais on s'en rappelle très bien. Vous avez quand même fait entre autres la première partie de Soprano. J'imagine que c'est un souvenir inoubliable. Bah ouais, pour beaucoup, c'est le truc qu'on a fait. Et puis c'est vrai que c'est sûrement le plus gros truc qu'on a fait dans la musique, donc c'est une expérience complètement dingue. C'est sûr, vous êtes aussi parti sur le festival de Sion. On a fait la première partie de Mehdi, ouais. Quelques semaines avant celle de Soprano, donc super cool de rencontrer des rappeurs qu'on aime, tu vois, qu'on écoute. Bah oui. Et puis de chanter, de performer juste avant eux, quoi, c'est un vrai kiff de... au même endroit, quoi, tu vois. Ouais, et puis un honneur, quoi, parce que vous avez été choisi quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est trop cool. La chance d'avoir fait plein de scènes, dont des scènes un peu prestigieuses, comme ça, pour notre petite échelle, donc c'est... On a toujours cru en vous, et voilà, on sait que vous allez aller loin, bien entendu. Alors, dans cette mixtape future de 14 titres, enfin, à peu près, il y aura toujours ce code couleur, j'ai envie de dire, ou vous partez sur autre chose? Non, il y aura toujours le code couleur, mais vu qu'on veut pas faire des chansons framboises, aubergines, tu vois les couleurs, quoi. Forcément, au bout d'un moment, ça limite. Donc, ça limite. Donc, on a encore quelques couleurs et on a des morceaux qui évoquent des coloris ou en tout cas qui utilisent un champ lexical de la couleur, quoi. Mm-hmm. Et ce sera pas toutes les chansons n'auront pas exactement un nom de couleur, quoi. Ok. Il y en a une qui s'appellera par exemple Nuancier. Ouais, peut-être. Ok. Céluge, Léon, Nchoka, rêve de quoi artistiquement aujourd'hui? De sortir du confinement pour faire des scènes. Oui. Ça c'est très cool. Parce qu'on avait quelques scènes prévues. On avait prévu de défendre Multicolore 2 au mois de mai-juin. Donc pas possible et c'est normal, donc le but c'est d'avancer sur la mixtape pour l'instant à distance. Okay. et puis, cet été on mettra tout en commun, on essaiera d'enregistrer un maximum de choses cet été et puis à l'automne pour peut-être sortir ça à la fin de l'année, on aimerait bien. Et puis quand ce sera possible, refaire des scènes, parce que c'est ce qu'on kiffe le plus, bien quoi. Sûr partage avec le public, ça n'a pas de prix. Est-ce que le confinement il est un petit peu quelque part propice à la création, ou vraiment pas trop pour vous? Bah si, quand même, parce que moi je travaillais plus, donc j'avais beaucoup plus de temps, donc tu es un peu plus amené à écrire, et puis on s'est chauffé un peu avec Léon, on a fait quelques petits sons confinement entre guillemets, on avait la possibilité, donc on a pu sortir quelques petites choses pour extérioriser tout ça, puis en même temps, comme je te disais, voilà, on bosse sur les instrus que nous envoie Choka, on réfléchit à des choses qu'on voudrait changer sur certains aspects musicaux, on réfléchit sur les textes, et puis voilà, on essaie d'avancer. Et oui, tout à fait. Tu parles de ces sons confinement, on peut les retrouver notamment sur vos pages Facebook, Insta, YouTube. ils sont tous été mis sur YouTube. Okay. Je réfléchissais, mais ils sont tous dessus, ouais. Céluge et Léon sur Facebook, céluge.musique, léon.musique sur Instagram. Et YouTube, c'est Céluge et Léon TV. Eh ben voilà, plus d'excuses. Vous pourrez aller jeter un œil à ce que nos amis vous ont proposé. Alors, Jules, j'ai posé une question à nos auditeurs et je te la pose également. C'est la question du jour. Si tout était possible, sans limites financières, judiciaires, etc., etc., dès la fin du confinement, qu'est-ce que tu ferais ? Ah, c'est une bonne question, hein. sans aucune limite, écoute, ouais, je crois que je ferais... Je me prendrais un bon temps pour faire de la musique à fond avec Choka et Léon, ensuite je partirais en voyage. Yes, tu partirais où? Avec, je sais pas, mais loin. Loin. Ouais, sûrement à l'étranger, un endroit où je suis pas allé encore. C'est Amérique du Sud. Allez, Amérique du Sud, à Juju. Ouais. Adjugi. C'est Luge, Léon, Anchoka et leur EP multicolore 2 que vous pouvez dès à présent vous mettre dans les oreilles car il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Il est dispo sur Radio Guémouzou, il est dispo partout. Voilà, il y a plus d'excuses. Allez vous plonger dans ces émotions, sensations colorées. Merci beaucoup, Jules, d'avoir répondu à mes quelques questions. Et puis, on vous embrasse. Ben nous aussi, on t'embrasse, on embrasse tout le monde à Radio Guémouzou. Ben c'est gentil. À bientôt. À bientôt. Salut, c'est Léon du collectif Cellugé Léon et Choka. Retrouvez-moi dans Bulle de Confidence avec Lia sur Radio Guémouzou. Victor, alias Léon, est avec nous. Salut. Salut. Comment ça va? Oh bah ça va tranquillement, c'est ce qu'on peut en ce moment, mais maintenant ça va plutôt bien. Et bah c'est super. Alors Victor, Léon, tu préfères quoi? Bah écoute, si on parle de ma musique, autant m'appeler Léon, mais sinon je m'appelle Victor, hein, sur ma carte d'identité c'est Victor. Ok, ça tombe bien parce que moi je t'appelle tout le temps Léon, je sais pas pourquoi. T'as bien choisi ton blaze, moi je sais pas, ça, Léon ça passe, donc ça marche, on va t'appeler comme ça aujourd'hui. Merci. Eh ben, très bien. Merci d'avoir accepté de discuter avec moi aujourd'hui de la sortie de Multicolore 2. Ouais, Jules nous a dit tout à l'heure, si j'ai bien tout suivi, que l'idée des couleurs, c'est toi qui l'avais eue à la base. C'est vrai, merci Jules. Ouais. Parce qu'on cherchait un concept pour un peu se démarquer, et puis on aime bien de toute façon les albums concept quand il y a un vrai projet derrière. Du coup, on a eu l'idée des couleurs, et puis du coup ça fait maintenant un bout de temps qu'on part là-dessus. Ah bah et ça ouais. nous plaît bien. Ouais. Et du coup, on a essayé d'explorer un peu ce thème, ouais, parce qu'une couleur, ça, on a forcément une émotion, hein, un sentiment, etc. Et du coup, on trouvait ça cool de vraiment partir d'une couleur pour façonner un morceau tout autour. Et puis, après, on a poussé le concept un peu au max. Et puis voilà. Bah voilà. Est-ce que ça a été facile, du coup, pour toi de voir l'idée de départ? Voilà, on idéalise toujours un petit peu son projet. On se dit, ouais, ça serait tellement cool si ça se passait comme ça. Se transformer au fur et à mesure en concret? C'était facile à voir, je sais pas. Mais une fois qu'on a eu l'idée de base, après, nos deux cerveaux ont communiqué. Et puis, on n'a pas arrêté d'avoir des idées, de surenchérir, etc. Puis vraiment de proposer un projet le plus complet possible, c'est vrai. Il y a eu quelques projets donc avant Multicolore 2. J'ai l'impression que vraiment sur cette EP, vous avez avancé main dans la main. Clairement, on a voulu faire le projet le plus cohérent possible. Donc avec Choka qui a vraiment sublimé les instrus, etc., qui a amené sa patte, on était vraiment nos trois têtes ensemble et les mains de Choka, et vraiment faire quelque chose d'uniforme, d'homogène, je sais pas, mais quelque chose qui claque et qui nous parle en tout cas. Et je pense que, je sais pas si on l'a réussi, mais en tout cas ça nous parle à nous. Ah bah en tout cas moi personnellement je suis fan, tu le sais, depuis vraiment un moment, et il est réussi. Et je pense que vous avez quand même des bons retours là dernièrement. Ouais, on a des super retours, vraiment, et ça fait plaisir, on s'y attendait pas forcément, en tout cas pas autant à notre petite échelle. Et c'est pas non plus incroyable, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages et de partages, en fait, de gens qui n'écoutaient pas forcément notre musique avant et qui sont pris ces trois couleurs bien plus que les trois précédentes, en tout cas. Et ça fait vraiment plaisir. Sur Haute Culture, on pouvait retrouver votre première mixtape, donc pour l'instant, qui a complètement disparu de la toile. Là, vraiment, on sent qu'il y a eu un gros boulot, comme si vous vous professionnalisez un petit peu. On sent complètement autre chose. Comment t'expliques cette évolution? Je sais pas. On a peut-être pris plus le temps aussi. Ouais, je pense que c'est surtout le temps qu'on a pris. Bah, déjà, il y a eu un an qui s'est passé entre les deux volets de Multicolore. Oui. Mais on se voit pas souvent avec Choka et Jules. Parce que moi, je fais mes études à Paris, Choka à Nancy et Jules à Épinal. Oui. Du coup, c'est un peu compliqué. On se voit surtout pour les concerts et on n'a pas trop de moments de création. Du coup, on gamberge beaucoup, chacun de notre côté. On essaie de mettre en commun au maximum. Et quand on se prend une journée ou même un week-end pour travailler sur la création de Multicolore, du coup on est vachement en phase, je trouve. Enfin, ça se fait assez facilement et on est vraiment d'accord sur tout et surtout vers où on veut aller. Du coup ça donne quelque chose de cohérent, quoi. Il y a aussi l'expérience de la scène, tu penses, cette espèce de confiance en vous que vous avez réussi à acquérir à travers ces différentes expériences de la scène. Il y a eu des grosses scènes. Est-ce que tu penses qu'il y a comme une espèce de légitimité qui s'est instaurée dans votre collectif? Ouais, peut-être, effectivement. Des fois, ouais, je pense à ça, on se sent plus, ouais, légitime à proposer une autre couleur, une autre musique. Comment dire, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on fait maintenant, dû aux scènes et même aux petites scènes, hein, vu qu'on les enchaîne, etc. Et que ça se passe de mieux en mieux et qu'on est de plus en plus à l'aise. Je sais pas vraiment si ça se ressent sur l'artistique, mais déjà on pense des morceaux un peu plus pour la scène, comme par exemple Indigo, etc. Ça va changer un peu notre répertoire plus tranquille. Mais je sais pas si cette confiance a vraiment changé quelque chose sur... Je sais pas si je réponds à la question. Si, si. Parce que finalement, je réponds à haute voix. Enfin, je veux dire, je m'étais jamais posé vraiment cette question comme ça, mais... Ouais, écoute, sûrement. Est-ce que peut-être vous vous dites, ouais, voilà, il y a quand même des gens qui commencent, en toute modestie, qui commencent à s'intéresser vraiment à ce qu'on fait, des gens qui nous suivent depuis le début. On va vraiment leur lâcher du lourd, quoi. Déjà pour vous, j'imagine, parce que ça fait tellement plaisir d'avoir bossé sur un projet et de se rendre compte qu'il en sort vraiment une belle qualité, mais peut-être aussi pour ceux qui vous suivent, votre public. Pour le coup, même si on a un petit peu plus suivi qu'avant, je pense pas qu'on fasse vraiment ça pour les gens qui nous écoutent. On fait d'abord ça pour nous. Par exemple, à titre d'information, le morceau qui a le plus plu dans Multicolore 2, c'est Bleu. Et ouais. Bleu, quand on l'a fait, enfin c'est une chanson qui dure 9 minutes 30, avec des longs couplets, etc. Enfin, on savait très bien que par exemple, on n'allait pas passer en radio. Pourtant, c'est ce qui a parlé le plus aux gens. Et pour Bleu, on l'a fait vraiment pour nous, parce qu'on avait envie de faire un son comme ça, un son long et qui transpirait l'émotion un peu. Et si ça parle aux gens, tant mieux. Du coup, ça peut leur donner envie de prêter l'oreille aux autres couleurs. Mais on fait d'abord ça pour nous. Et si ça parle, tant mieux, c'est que du bonus pour nous. Et ouais, en plus, ça amène un cercle vertueux parce que du coup, vous faites les choses pour vous faire kiffer, pour vous. Ça plaît au public. Du coup, on prend confiance en ce qu'on a vraiment dans les tripes, en ce qu'on propose. Et du coup, voilà, ça amène encore plus de confiance pour continuer et pas seulement faire des choses pour les autres, mais vraiment pour ce qu'on a déjà en nous, et ça, c'est vraiment top. Alors, durant le confinement, vous avez chacun à votre tour proposé des sons pour transmettre votre ressenti. C'est toi qui as eu l'idée aussi? Moi, je pense que je m'ennuie un petit peu plus que mon frère. Ah ouais. J'avais un peu plus de temps. Et ouais, ça me démangeait. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas eu du temps comme ça pour faire de la musique. Donc, j'ai commencé à en sortir un ou deux. Et mon frère s'est senti obligé de suivre. Du coup, on se répondait par freestyle interposé, ouais. C'était sympa. C'est bien, ça inverse un peu la tendance, le petit frère qui mène un peu le grand frère par le bout du nez. c'est vrai. Je sais pas si je suis moins réfléchi que mon frère, mais j'ai Bon, je me lance peut-être un peu plus, je sais pas. Peut-être un peu plus tête brûlée, j'en sais rien du tout. Ouais, c'est bien, c'est bien. Vous faites une belle paire tous les deux. Du coup, en ce moment, est-ce que tu trouves que c'est plus facile, du coup, là, en ce moment, avec ce confinement, de créer avec Jules et Choka, bien sûr, pas ensemble à l'instant T, mais peut-être d'une façon différente? Bon, on essaie de travailler sur les prochaines couleurs, là, parce que tous les thèmes et toutes les couleurs sont bien définies dans notre tête déjà, donc on essaye d'envoyer nos idées à Choka, etc. Mais là, pendant le confinement, on écrivait des freestyles, donc le thème n'était pas vraiment précis, n'était pas vraiment sérieux ni trop profond. Et vu qu'on essaye de faire un travail de qualité, notamment sur multicolore, niveau écriture, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que on se nourrit de plus grand chose en ce moment. Oui. On est un peu vidé, donc c'est un peu compliqué. Je pense, on se l'est pas vraiment dit comme ça, mais je pense qu'on préfère prendre le temps de revivre normalement et pour retranscrire tout ça sur la feuille et que ça, qu'on en soit fier en tout cas. Tout à fait. Alors j'ai posé justement la question à Jules tout à l'heure, Multicolore 2, EP de 6 titres. Toi, lequel tu préfères ? Bleu, clairement bleu. Bah c'est bleu, c'est celui qu'on a préféré écrire, qu'on a préféré interpréter. On a préféré produire vraiment celui qui nous a procuré le plus d'émotions, donc sans hésiter, bleu, ouais. Est-ce que vous allez le clipper ? On aimerait bien. Ça serait génial. Ouais, on cherche un concept, après c'est un peu compliqué de clipper 9 minutes 30, mais ouais, on cherche la bonne idée. En parlant de clips, on peut vous retrouver quand même sur YouTube avec plein de jets de couleurs différents pour annoncer justement la sortie de Multicolore 2. On peut vous suivre quand même sur les réseaux, vous êtes assez présents, Facebook, Insta, YouTube, il y a d'autres choses. C'est ça, ouais. non, c'est déjà pas mal. Ouais, sur Facebook, c'est Lugé Léon, sur YouTube, c'est Lugé Léon TV. Et sur Instagram, respectivement, c'est luge.musique, léon.musique et choka.musique. Et ben voilà, on n'oublie pas Choka, bien entendu. Alors, aujourd'hui, j'ai posé une question à mes auditeurs et bien entendu, tu vas y avoir droit. Donc, je te laisse te préparer. Alors, si tout était possible, plus de limites, financièrement, judiciairement, voilà, si tout était possible... Dès la fin du confinement, qu'est-ce que tu ferais ? La chose la plus dingue, la plus folle, la plus fun que tu aurais envie de faire. Effectivement, je n'étais pas préparé là. financièrement, si tout était possible. Tout est possible. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'utopie. L'utopie est le monde dans lequel on vit. Ok, forcément, ça va te porter sur la musique, mais du coup, j'arrête le temps. Parce que on a des emplois du temps assez chargés, donc j'arrête le temps. On se construit un bête de studio, un truc génial. On se prend un mois non-stop, on fait de la musique non-stop et on sort toutes les couleurs possibles et imaginables. Et voilà. Waouh, on réinvente de nouvelles couleurs. Voilà, c'est ça. Waouh, super réponse. Je t'en pose une dernière avant qu'on se laisse ici. Céluge, Léon, Choka, c'est quoi le grand rêve artistique pour ce collectif ? Le grand rêve, je sais pas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de penser à long terme, en tout cas de continuer à kiffer comme ça. Et puis, c'est sûr que si à terme, on a possibilité d'en vivre... un petit peu, ça serait génial, quoi. Enfin, ça serait réussi. Mais dans tous les cas, on continuera, ça c'est sûr. On vous le souhaite, en tout cas, bien entendu, qu'on espère que vous allez continuer parce que nous, on vous suit. Merci beaucoup, Léon, Victor, les deux en un, d'avoir répondu à mes quelques questions aujourd'hui. Multicolore 2, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, n'hésitez pas à vous balancer ça dans les oreilles. Moi aussi, j'ai une préférence pour bleu et je l'ai tout de suite dit d'ailleurs. Et on va s'écouter ça d'ailleurs sur les ondes de Radio Gemozo. Merci beaucoup à toi. Plein de bonnes choses. Et puis, un bon déconfinement. Et voilà, toutes les choses les meilleures possibles, je te souhaite. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Superman. Salut, c'est Choka du collectif Cellu Géléon et Choka. Retrouvez-moi dans Bulle de Confidence avec Lia sur Radio Gemozo. Choka Léo, de ton vrai nom, salut, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien. Eh ben c'est super. Alors, tu fais bien entendu partie du collectif Cellu Géléon and Choka. Je vous mets à l'honneur aujourd'hui car votre EP Multicolore 2, eh bien, il est sorti très récemment, hein, le 24 avril. Alors, toi, tu es guitariste de talent, beatmaker et tu as rejoint les Frangins, il me semble, en 2018. Ouais, c'est ça en fait. C'était une vidéo en fait que j'avais partagée sur Internet. Ils m'ont découvert au moment-là et puis au début, j'aurais fait un morceau, puis deux, et puis après, je les ai rejoints sur scène. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui, donc c'est une belle histoire, quoi. Mais ouais, carrément. Donc en plus de les accompagner sur scène, comme tu le dis, c'est une vraie collaboration, un vrai trio qui est né, car tu as mis, toi, en musique, plusieurs sons de Multicolore 2. C'est ça, en fait. Je bosse beaucoup avec eux, ouais, effectivement, au niveau de la prod. Sur Multicolore 2, en fait, on a bossé en plus avec un beatmaker. Donc moi, j'ai fait en plus du réarrangement sur Bleu, notamment. Et j'ai mis un peu ma petite patte sur jaune. Mais sinon, en gros, l'ensemble des autres prods, c'est moi qui les ai faites à 100%. Et on essaie de créer vraiment notre propre univers et notre propre couleur à nous, quoi. Eh oui. Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as fait? Ça se demande pas trop, mais je vais te le demander quand même. Ah bah ouais, je suis même plutôt très satisfait parce qu'effectivement, au début, on part que sur des idées, des choses hyper abstraites, et quand on voit comment la chose devient, etc., c'est hyper intéressant en fait, parce que chacun donne son grain de sel et donne son avis, et ça en devient un mélange hyper intéressant. Et plus le temps avance, et plus on a notre vrai univers, notre vraie identité, et c'est là que ça devient intéressant, et je pense qu'on peut être vraiment fier de ce qu'on fait, quoi. Ah ouais, carrément. Alors, on connaît Cellu Géléon, mais qui est Choka? Alors, Choka est un jeune étudiant de 19 ans, en fait, qui a commencé à la musique, en fait, qui a commencé la gratte, propulsé un peu par ses cousins musiciens. Et puis voilà, qui a passé une dizaine d'années en école de musique, et puis, en fait, qui s'est mis à la compo il y a 4-5 ans. Depuis qu'il s'est acheté un nouveau Mac en fait, et puis bah depuis là j'ai commencé au tout début à faire de l'électro, et puis ayant un ami rappeur, je me suis dit je vais lui faire des prods de rap, et puis au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure du temps, et je me suis un peu spécialisé dans les prods de rap, et voilà, c'est un peu ma spécialité maintenant, même si je continue un peu à faire de l'électro et à faire pas mal de guitare derrière dans différents groupes musicaux. Et puis voilà, je fais du clavier, de la batterie. Enfin, j'essaie vraiment de faire un maximum d'instruments et de tout jouer dans mes prods, quoi. T'es vraiment multi-instrumentiste. Ouais, c'est ça. Je veux tout faire quasiment moi-même, en fait. À l'heure où le sample est beaucoup utilisé, en fait, le sample, c'est le fait de réutiliser des choses qui sont déjà des boucles, en fait, de prods qui sont déjà déjà faites, des boucles de piano, etc. Moi, je veux vraiment essayer de tout jouer en live, entre guillemets, si je puis dire. Ça doit te prendre un temps monumental. En fait, ça dépend des prods. Par exemple, genre, il y a des prods où ça peut aller très très vite, où on peut avoir tout de suite l'inspiration. Et des fois, avoir des prods comme Bleu, de Multicolore 2, ou une prod qui dure 9 minutes et demie. Et là, effectivement, là, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps. J'ai de la chance, entre guillemets, d'être épargné par le mix, c'est-à-dire avec Cellu Géléon. Ouais. On fait appel à un studio pour mixer notre son, mais il y a des producteurs, en fait, qui produisent leur musique, qui créent leur musique, et ils la mixent par la suite, et là, c'est vraiment un temps fou. Sauf que moi, c'est vraiment la compo, donc je garde tout mon temps là-dessus, ce qui me permet d'être plus productif et plus perfectionniste là-dessus. Donc voilà, mais effectivement, c'est vrai que ça prend vachement de temps, on se remet souvent en question en plus. Voilà, la version du début est pas du tout la même que la version à la fin. Mais c'est un travail qui est hyper intéressant et hyper constructeur, en fait, musicalement. Un fou furieux de la création, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux toujours changer, créer, recréer, exactement. Alors, vous avez tous les trois un blaze, hein, Cellu, Léon, Choka. Est-ce que toi, il y a une vraie différence entre Léo et Choka? Est-ce que ton identité scénique, elle est complètement différente de la personne que tu es dans la vraie vie? En fait, au début, pour la petite histoire, en fait, j'ai toujours voulu garder en fait mon identité, en fait, m'appeler Léo Schoenacker, et toutes les premières scènes, je m'appelais avec mon nom et mon prénom. Sauf que d'une première part, ça prenait un peu beaucoup de place sur l'affiche, sur les affiches. Et puis d'une seconde part, voilà, Schenacker, même des potes de longue durée ont encore du mal à écrire mon nom de famille. Donc je me suis dit, un mec qui te voit sur scène pour te retrouver sur Internet, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler Choka, qui est en fait tout simplement le diminutif de mon nom de famille en fait. Bah, donc merci. 5 lettres, voilà, c'est beaucoup plus simple. Merci pour nous aussi, parce que quand on t'interview, c'est plus facile Choka, on te l'avoue. Ouais, bah c'est ça, ça rentre plus vite en tête, non, c'est plus simple. C'est ça. Alors on parlait voilà de tes compos sur certaines prods de Multicolor 2. Toi, quel est ton morceau préféré si tu peux choisir? Uniquement sur Multicolor 2, bah je pense que je dirais Bleu, et je pense que mes comparses répondront la même chose si je ne me trompe pas trop à cette question, parce que voilà, c'est un truc qu'on a que dans nos expériences musicales de chacun, on a jamais fait de faire un morceau de 9 minutes 30. Avec deux prods différentes. J'estime que c'est que les deux frangins ont pondu l'un de leurs meilleurs textes sur cette prod là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose en plus qui représente le plus notre univers, le plus ce qu'on veut donner aux gens. Et voilà, je pense que c'est notre petit bébé à tous les trois. Et c'est vraiment le morceau dont on est le plus fier. Même si voilà, chaque morceau c'est comme un gosse. Voilà, on n'aime pas trop faire de différence, mais celui-là, je pense effectivement c'est celui que on est le plus fier, quoi. Ben, je le redis, moi aussi c'est mon préféré et j'ai cru entendre qu'il y avait d'autres retours sur ce son et que vous étiez très étonné. Yes. Et d'ailleurs, juste après cette interview, eh ben, on va s'écouter Bleu en fait. Voilà. Ah cool. Voilà. Cool. C'est le moment de la question piège. Non, je rigole, ne t'inquiète pas. Quel est l'artiste qui inspire Choka en ce moment? L'artiste qui inspire beaucoup Choka, eh ben, j'ai découvert un artiste belge il y a une semaine là, il s'appelle Type Noir. Ouais. C'est pas hyper connu, etc. Et c'est un univers avec une voix un peu des années 70-80 hyper grave, un univers un peu à la Alto G au niveau de la production qui est hyper bien faite. Enfin, moi j'adore les artistes qui ont un vrai univers. Donc je pense que les trois, ça serait petite Noire en ce moment, et puis sinon ça serait Flume et Alto G, je pense. Voilà, ouais. C'est les trois principaux. On valide. C'est Luigi et Léon, nous en parlait. Vous travaillez tous les trois sur un nouveau projet, encore et toujours, et heureusement pour notre plus grand plaisir, une mixtape dans la continuité de Multicolor 2, du coup. Ouais, exactement, c'est ça. Comment ça se passe, la création, pour toi, durant cette période la particulière du confinement? Eh ben, la création donc était un peu compliquée au début, en fait, parce que je suis encore étudiant, et donc du coup mélanger les visios, les cours, etc., c'était un peu compliqué. Oui. Mais en fait, maintenant, ça va beaucoup mieux. Du coup, j'ai vachement de temps pour composer, pour explorer de nouveaux horizons, pour tester des choses que je pourrais pas faire à l'heure actuelle. Donc voilà, on s'échange des vocaux, on essaie de s'enregistrer chacun un peu de notre côté comme on peut pour échanger au mieux nos idées. On s'appelle assez souvent et puis voilà, on est assez bien avancé justement pour cette mixtape, et on est vachement dans les temps, ce qui nous étonne, mais c'est cool un peu de notre côté, quoi. Super. Ce côté-là. Alors j'ai posé la question à tes deux acolytes, c'est quoi le grand rêve artistique de Choka? Et déjà on a réalisé un grand rêve. Genre jouer devant une foule immense comme on a pu faire en première partie de Soprano. Carrément. C'était un rêve qui pour moi était inaccessible. C'était vraiment quelque chose de magique. Après voilà, un grand rêve, faire des premières parties d'artistes que je kiffe. On a déjà eu cette chance en faisant la première partie de Medine, qui est une source d'inspiration, de fou pour moi. Un grand rêve, ouais, je pense, ça serait de faire une tournée tous les trois, et puis garder comme équipe une grande partie de notre famille. Enfin, vraiment faire ça en famille. On est vraiment dans la logique de faire des choses indépendamment, d'avoir notre propre assoce, etc., autour de nous. Enfin, vraiment. Et voilà, le rêve, ce serait de faire une tournée, pas des gros zéniths, mais juste sur une tournée en famille. Avec une gestion familiale, ça pourrait être trop cool. Enfin, moi, je sais que ça serait un gros kiff pour moi, partir en tourbus. Voilà, c'est mon petit rêve, quoi. Ouais, génial. Alors, ça se rejoint un petit peu. On va voir si tu vas me répondre la même chose. Aujourd'hui, je pose une question à tous nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent et à ceux avec qui je discute. Choka, est-ce que tu es chaud ? Yes, toujours. Si tout était possible, aucune limite, quelle qu'elle soit, ni financière, ni judiciaire, c'est quoi la chose la plus folle, la plus dingue, la plus complètement fun que tu ferais une fois le confinement terminé ? Donc financièrement et juridiquement, une fois le confinement terminé, ce que je ferais, c'est que j'emmènerais toute ma famille et tous mes gens proches dans un jet privé et je les emmènerais faire le tour du monde et visiter les plus beaux endroits et profiter du temps ensemble H24 et voilà, je pense. Génial. Merci beaucoup Choka d'avoir répondu à mes quelques questions. Merci à toi. Merci, plein de belles choses et puis voilà, on vous souhaite vraiment le succès. Yes, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.